Très peu de temps, on va tout de suite passer aux questions, quoi. Moi, je voudrais répondre à la question posée par Marc Lipinski à propos du bien fondé du financement par la région des bourses de thèse, puisqu'il faut bien venir à ce niveau-là. Moi, j'ai une grande reconnaissance à l'égard de la région pour faire confiance à des jeunes chercheurs inscrits dans des laboratoires et donc accepter de financer la recherche à ce niveau-là. Je ne pense pas que ça crée des précaires parce que les gens qui travaillent dans ces conditions trouvent facilement des emplois par la suite. Je crois que c'est un bon exemple donné à l'ANR qui, sous prétexte soi-disant que les sciences humaines et sociales seraient incapables de faire soutenir une thèse en 3 ans ou 4 ans, refuse de financer ce niveau-là de la recherche qui est pourtant essentiel. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un effort à saluer. Et par ailleurs, par rapport à l'intervention de Gérard Lanclus, il me semble qu'il y a au moins un certain nombre de disciplines, de laboratoires, de réseaux organisés qui, en SHS, souffrent d'un manque de financement, qui réduisent leurs ambitions par rapport à ce qu'il serait possible de faire et qui voient leurs bonnes idées captées par des équipes étrangères qui ont davantage de moyens, qui sont mieux organisées collectivement aussi. Je pense que là, on a des efforts à faire. Je ne pense pas qu'on puisse dire partout les SHS ont assez de financement. Ce n'est pas toujours vrai, en particulier quand on essaie de faire des grandes bases de travail avec des grandes bases de données, bientôt avec celles qui arriveront par toutes sortes de capteurs qu'on est en train d'installer partout, qu'on le veuille ou non. Il faudra bien aussi s'en occuper. Et les SHS ont un rôle à jouer dans ce domaine-là qui va devenir très important. Là, j'aurai un petit désaccord avec ce qui a été dit. Merci. Je voulais revenir à ce que... Oui, ben, ça paraît ne pas fonctionner. Oui. Bon, d'accord. Alors, donc, Marc Lipinski, qui malheureusement s'est exprimé un peu trop brièvement, donc avait dit qu'il voudrait parler du cas anglais. Donc, ça fait 2 ans que je voudrais en parler, mais je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc, j'attends avec impatience qu'il nous révèle donc, les dernières magnifiques manigances de ce gouvernement soi-disant travailliste. Et puis, deuxième point. Pour ce qui en est du financement, quand on dit qu'il faut sortir de la tour d'ivoire, disons, et travailler avec des organismes associatifs, c'est très bien, mais disons, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, si on reste au niveau régional, alors ça veut dire que ceux qui veulent travailler sur des problèmes, même importants, en dehors de la région, du national ou même de l'Europe, se trouve complètement à sec, sauf à devoir travailler avec des commissions régionales dans le pays exotique en question. Je travaille sur les SDF au Japon, par exemple. Donc, la question était, qu'est-ce qui se passerait si on avait une question de ce type, disons, concernant une région, entre guillemets, exotique. Une question, malheureusement, le temps va être compté pour y répondre, je présume. Sur quel thème souhaitez-vous que nous travaillions à l'ANR et à la région? Parce que quand même, ça compte, les contenus. Et j'aimerais beaucoup que, en déployant cette liste, nous apercevions que foule de travaux que nous souhaitons faire et qui sont nécessaires de faire ne peuvent pas être faits dans ce cadre. Je précise, ça ne condamne en rien une politique contractuelle. Simplement, ça montre une chose très simple et que Jean-Claude Hourcade rappelait, c'est qu'une politique contractuelle prend un certain sens à un moment où les moyens récurrents des organismes de recherche déclinent, et où, à un moment où ceci augmente. Sans vouloir raconter ma vie, j'ai passé 30-40 ans à avoir du contrat en permanence. Je suis sociologue, j'ai cette chance, on peut faire ça. Il y a des périodes où ça ne posait aucune difficulté. Le CNRS était en croissance, les moyens propres des laboratoires étaient en croissance, figurez-vous, au début des années 2000. Le nombre de postes était assez raisonnable, la politique contractuelle était féconde et elle était même parfois utilement mise en œuvre au sein même du CNRS. L'ANR, monsieur Lenclus, c'est autre chose et vous ne pouvez pas dire que vous n'y êtes pour rien. Parce qu'à partir du moment où vous y travaillez, vous acceptez que ceci se passe. L'argument selon lequel nous avons plébiscité l'ANR est grotesque et scandaleux. Nous avons demandé, et j'en fais partie, des contrats ANR les uns et les autres quand on a pu, parce que quand il y a un monopole sur les moyens, on n'a guère le choix. Voilà. Hein. Alors, par conséquent, l'histoire de du plébiscite qui nous a été servi dans cette salle même par d'autres responsables de l'ANR, je pense qu'il faut ne pas accepter qu'on nous dise des choses pareilles. Hein. Voilà. Donc, l'ANR est responsable à cause de la masse et du déséquilibre qu'elle crée par rapport aux organismes, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, dès lors qu'on collabore à l'ANR, on contribue, qu'on le veuille ou non, au déclin des moyens constants de recherche du CNRS et de d'autres organismes. Il faut l'admettre. Nous sommes dans un conflit, là, chers collègues. On n'est pas dans une collaboration aimable entre des gens qui mettent des moyens supplémentaires à la disposition des sciences sociales. On est dans un travail de sape. Voilà ce que j'avais à dire. On va prendre d'autres questions. Mais... Là, j'aimerais répondre à la question, puisque, premièrement, vous dites que quiconque collabore à l'ANR est en quelque sorte responsable de son financement, des modes de son financement. Excusez-moi, c'est grotesque. Effectivement, si personne n'acceptait d'être rapporteur et si personne n'acceptait d'y travailler, l'ANR n'existerait pas. Je vous signale que j'ai croisé dans les comités scientifiques de l'ANR un certain nombre de gens qui disaient exactement ce que vous pensez. Ça m'a toujours étonné. Vous me reprochez de parler d'un plébiscite. J'ai jamais dit que c'était un plébiscite à la Renan. Ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du moment où un grand nombre de chercheurs présentent des projets à l'ANR, ils font littéralement exister l'ANR. Enfin, dernier point auquel je ne... Ah bah oui. Excusez-moi. En tout cas, pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, d'appartenir à des laboratoires CNRS, je connais un grand nombre de mes collègues qui effectivement n'appartiennent pas à des disciplines dépensières, qui n'ont jamais souhaité déposer un projet ANR. C'est mon cas, entre beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. La seule chose qu'il y a, c'est que quand un chercheur demande un projet en moyenne de 150 000 euros à l'ANR, il est, à mon sens, autant responsable que ceux qui acceptent de participer comme experts à la maison. Bien, moi je voudrais en rajouter une couche. Ah ben, allez, oui, pardon. Je voudrais juste répondre aux quelques questions qui m'ont été posées très vite. Sur mon inquiétude sur la précarité que nous sommes peut-être en train d'alimenter, ce n'était pas tellement sur les doctorants, mais sur les post-doctorants. Donc sur les doctorants, je pense que c'est évident qu'il faut financer des doctorats. Sur les post-doctorants, je me pose la question parce que il y a l'augmentation des post-docs financés par l'ANR. Donc ça, voilà. Sur la question de ce qui se passe en Angleterre, moi, ce que j'en sais, je ne suis pas du tout spécialiste, je n'ai pas suivi ça de près, mais ce que j'ai vu, c'est que il y a une tentative d'introduire un critère d'utilité sociale pour déterminer quels seraient les financements de la recherche dans les universités, enfin des universités, puisque c'est comme ça, c'est là que se passe la recherche essentiellement en Angleterre. Et donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est que 30% de ces futurs financements dépendraient de la capacité des chercheurs de ces universités à montrer ce qu'ils ont apporté à la société depuis 10 à 15 ans. Et donc, la question là va être tout de suite à la fois de vendre ce qu'on fait et de survendre probablement ce qu'on fait ou ce qu'on fera, en disant on va résoudre tous les problèmes de la société avec notre recherche, ça va être formidable, etc. Et on voit bien que ça rejoint les mouvements en cours que décrivait bien Alain, avec effectivement on est dans un processus extraordinaire d'externalisation de ce qui était dans le secteur privé vers le secteur public, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire avec les moyens du public. Sur le sujet de la restriction territoriale au sein d'une région, non. Enfin, nous finançons des projets collaboratifs. Il faut qu'il y ait au moins un acteur dans notre région. Mais s'il y a des partenariats ailleurs, ça n'est pas du tout rédhibitoire. Et enfin, sur la question que vous posiez, quel thème on veut financer? Alors, moi, j'interviens beaucoup au Conseil régional pour dire participer au rayonnement d'une région, c'est participer à la qualité de sa recherche. Et la qualité de sa recherche, ça n'a pas obligatoirement une retombée territoriale, un sujet de recherche territorial. Et bon, pour aller à l'extrême, j'ai souvent été argumenté par le Front National. Il y a des élus du Front National au Conseil régional qui disent que c'est un scandale de payer des gens à faire des recherches sur des langues obscures de l'Est africain ou sur la place de la coprophagie dans la littérature du 19e siècle. Et je tiens bon là-dessus. Et je dois dire que je suis souvent un peu isolé pour tenir bon là-dessus. Même avec mes partenaires de la majorité régionale, j'ai parfois des difficultés à expliquer que c'est important de faire de la recherche pour la connaissance sans se préoccuper des retombées. Voilà ce que je voulais dire juste rapidement pour répondre aux deux, trois questions. Bien, je voudrais juste prolonger un peu l'intervention de la salle qui a eu avant sur l'ANR pour rajouter le domaine de l'évaluation. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire semblant d'avoir différentes sources de financement ou différents besoins à des niveaux plus ou moins accentués. En fait, moi je suis dans une structure universitaire, enfin une UMR, mais je sais très bien que la politique scientifique de l'université, elle est très appuyée sur, dans le domaine de l'évaluation, sur le fait qu'on a obtenu ou pas des contrats ANR. C'est un critère extrêmement important, lequel va de pair avec l'ARS, évidemment, parce que quand on a obtenu un contrat ANR, ça veut dire qu'on est bon. Comme on est bon, l'ARS vous classe bon, etc. Et donc l'université va vous doter davantage parce qu'elle a besoin de critères dits « objectifs », entre guillemets. Bon, je ne veux pas rallonger la sauce, tout le monde est d'accord. Mais je veux dire, se mettre des œillères et ne pas voir les conséquences qu'il y a en disant « moi, finalement, pour ma petite recherche, je n'ai pas besoin d'un financement supplémentaire, on m'augmente un peu le récurrent et ça peut aller ». Non, ça ne va pas et le récurrent baissera. Et la politique scientifique de l'université, elle cherchera à s'appuyer sur des avis dits extérieurs et d'experts. Et on retombe sur l'ANR et l'ARS, il n'y a rien à faire. Et donc là, je pense quand même qu'il faut faire, enfin, il faut être lucide. Alors après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Quand on dit « on va chercher le meilleur », moi, je voudrais bien savoir sur quels critères discriminants on va chercher les meilleurs, surtout sur les projets blancs. Si encore c'est très thématisé, on peut dire lesquels. Sur des projets blancs, comment vous allez choisir entre la musicologie et puis l'archéo et puis l'économie? Bon, voilà. Donc, ça, c'est pas vrai, c'est des luttes d'influence, c'est autre chose. Et avec toutes les répercussions qu'il y a et qu'on ne veut pas voir. Alors, sur l'autre domaine, sur la région, j'ai juste une petite question concernant qui sont les experts, en quelque sorte, qui arbitrent et qui diffusent vos financements et qui permettent de faire cette politique scientifique dont la région a absolument besoin. Et moi, personnellement, je suis en économie, je m'étonne que vous vous appuyiez sur le RTRA, par exemple, pour faire ça, diffuser et répartir les bourses. Voilà, donc c'est une question. Voilà. Oui, je voudrais aussi faire deux ou trois remarques brèves et questions. À Gérard Lanclude, les budgets sont plus importants, bien plus importants à l'ANR que dans les labos, on est bien d'accord, mais est-ce que tu aurais des éléments sur ce qui a été évoqué rapidement par ailleurs, c'est-à-dire qu'en réalité, la plus grosse part des budgets ANR dans les sciences sociales sont des moyens de payer des emplois précaires, c'est-à-dire que, je le sais très bien parce que j'en ai plusieurs, soit comme directeur de labo, soit comme participant à des projets. le plus gros de ces très gros budgets qui sont impressionnants quand on les prend en tant que tels, en chiffre absolu par rapport au budget des labos. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui... Il y a un dysfonctionnement étrange, mais sur le dysfonctionnement des labos. Mais quand on regarde de près, en fait, ces budgets, on s'aperçoit, enfin, moi, c'est mon cas, que, alors, il y a des règles qui sont plus ou moins respectées, etc. Mais bien souvent, en tout cas, la moitié ou plus de la moitié sont utilisés pour payer soit des post-docs avec des statuts là très très précaires, des gens qui ont un statut d'ingénieur, en fait ce sont des étudiants qu'on fait passer par un statut d'ingénieur, et puis des vacations par lesquelles on met tout un tas de choses qu'on voudrait faire, etc. etc. Donc il y a une petite fonction de petit chef d'entreprise avec très peu de moyens qui est donnée aux responsables d'équipe, et souvent ça passe quand même par les chefs de labo administrativement. En tout cas, est-ce qu'il y a des éléments sur ces budgets? Parce que je pense que ça change beaucoup quand on met les ressources humaines à l'intérieur ou si on ne les met pas à l'intérieur. Et ça nous dit pas mal de choses sur la précarité de l'emploi et puis sur la manière de fonctionner. L'autre élément, ça a déjà été dit, mais je voudrais juste appuyer là-dessus, les chercheurs coproduiraient le système en adhérant. Ben non, de fait, on n'a pas le choix. Ou alors, qu'est-ce que c'est ne pas répondre à des appels d'ANR, et qu'est-ce que c'est y répondre et ne pas être accepté? Alors ça, c'est le troisième point que je voudrais aborder, parce que vous avez évoqué la question de cet individualisme et compétition naturelle dans la recherche, que la compétition et que la compétition intellectuelle existent, ça oui, et ça fait partie de la recherche, mais là, maintenant, c'est la mise en concurrence qu'on a. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que on passe du point de vue de la culture du travail, de la recherche, on passe à une autre modalité. Il n'y a plus de débat. Il y a ceux qui ont du fric par l'ANR et une espèce de reconnaissance par le fric, et ceux qui ne l'ont pas, et ceux-là, moi, je connais dans mon labo des gens qui font des choses passionnantes sur la circulation des savoirs en Afrique et hors d'Afrique, qui n'arrivent pas à avoir de financement. Je ne comprends pas pourquoi. Eux non plus ne comprennent pas pourquoi. C'est excellent ce qu'ils font. Mais petit à petit, on voit que il n'y a plus débat, il n'y a plus compétition, il y a mise en concurrence. Et à mon sens, c'est là où il y a un problème. C'est le changement de culture du travail que nous insuffle ce système de programmation et financement. Oui, donc si c'est une dernière question, c'était pour Monsieur Lipsky. Sur la position des Verts quant à l'autonomie, entre guillemets, des universités, autonomie, comme a bien souligné Alain Trautmann, qui est une autonomie très, très dirigée, qui est exactement dans l'esprit, on proclame quelque chose et on fait autre chose, hein, puisque... Voilà, donc quelle est la position du Parti Vert dans cette période préélectorale? Et si j'avais eu deux mots, j'aurais juste dit quand même. Non, comme Marc, tu réponds sur les Verts, je voulais dire. Moi, est-ce que tu refuses? Non, je refuse pas, bien sûr. Sur la question des experts, où est-ce qu'on va chercher nos experts au même endroit que tout le monde, c'est-à-dire au CNRS, à l'INSERM, dans les associations aussi lorsque ça se pose. Sur la question spécifique de l'école d'économie de Paris, c'est un vrai problème. Voilà. dont je suis parfaitement conscient. Mais on a parlé de lutte d'influence. Donc il y a des luttes d'influence aussi au Conseil régional. On pourra en discuter off the record. Sur la position sur l'autonomie des Verts, moi je vais rebondir sur ce que disait Alain, c'est-à-dire que le problème avec le gouvernement qu'on a, c'est que on est dans la situation orwellienne. Les mots n'ont plus de sens. Donc je pense que les Verts sont fondamentalement pour la décentralisation, pour les prises de décision au plus proche du terrain et sur la capacité d'autonomie. Tous azimuts. Mais ce qu'on a aujourd'hui dans l'université, c'est pas du tout ça, puisque on a une pseudo, c'est complètement fallacieux. les universités sont absolument pas autonomes. L'idée sur laquelle on est en train, enfin, ce vers quoi on va, et je pense que beaucoup de gens seront d'accord là-dessus, c'est de dire aux universités, vous êtes autonomes, on va vous donner votre patrimoine immobilier, on va décider combien d'argent vous aurez de base, et pour le reste, vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller en développant des partenariats ailleurs, en faisant venir de l'argent du privé, en faisant rentrer les grandes entreprises dans le financement, en peut-être à terme en modulant les frais d'inscription, etc. Donc là-dessus, on n'est pas du tout sur cette position. Maintenant, en théorie, je pense que oui, ça, c'est une belle idée que de dire les universités peuvent développer leur propre programme, leur propre cursus de formation. Nous sommes pour la diversité. Nous ne sommes pas pour que dans chaque université, il se passe exactement la même chose que dans toutes les autres universités. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas répondre tel quel. Mais sur le mode d'autonomie tel qu'il est mis en place, nous sommes extrêmement critiques. Une réaction. Alors, j'espère ne pas me faire mal voir avant la dernière minute, n'est-ce pas ? Non, simplement, je réagis sur des problèmes de vocabulaire. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf sur un mot qui a été repris ensuite. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. La façon dont on s'exprime. J'ai mal noté, mais en gros, ça veut dire la science ouverte sur l'utilisateur, on va transférer les connaissances aux entreprises, etc. Mais attendez, moi, je suis tarbet, quand je vais acheter de la viande et que le boucher me voit venir, c'est un très bon copain, il me dit, alors, espèce de... toi, t'es chercheur. Il se fout de ma gueule, parce qu'un chercheur, bien sûr, ça fait rien. Ça sert à quoi, un chercheur? C'est le galéjade, on blague. Et derrière ça, il y a un vrai truc. C'est, bon Dieu, est-ce qu'on est capable d'expliquer, sur ton sens social, à quoi on sert? Mais au sens large, hein. Bien sûr, on voit bien que tout se joue sur le mot « servir ». Donc, je crois qu'il faut absolument ôter de notre vocabulaire tout regret qu'on serve à quelque chose. Par contre, il faut travailler sur le contenu de ce à quoi on sert. Nous avons rendu des comptes, y compris au boucher qui, par ses impôts, me paye. Bon. Deuxième chose, sur l'évaluation. Et on voit bien qu'il y a tout le débat avec l'ANR, là. C'est extrêmement pervers. On est bien d'accord. Le problème, c'est que c'est notre responsabilité, nous, comme collectivité de chercheurs. Alors, tu parlais de ce qui se passe dans ton domaine, je pense que dans d'autres domaines, c'est pareil. C'est à nous de dire qu'on ne mélange pas les plans. Attendez, non, mais c'est ça la question. Donc, ça veut dire être précis sur le vocabulaire. C'est-à-dire, il est normal qu'il y ait l'activité contractuelle, éventuellement des contrats avec le privé, mais par contre, on ne mélange pas les plans. Et dernière chose, à mon avis, qu'on devrait faire, y compris en sens humain, c'est l'histoire qu'il vous a racontée sur la bio. Moi, je pourrais vous faire un truc identique, pas la même chose, hein, sur les questions énergie. Je pense qu'il y a d'autres domaines, sur la ville, sur le bâtiment, dans pas mal de secteurs économiques, il y a des recompositions qui ne s'expliquent que par des recompositions au long cours de réseaux et de rapports de force dans notre pays. Tu as raconté ce qui s'est passé dans ton domaine, je n'ai pas le temps de le faire dans le mien. Mais ça aussi, il faut en avoir conscience et pas se battre en oubliant ça. Si aujourd'hui, en sens social, alors je fais vous-nous là, hein, vous oubliez Saclay, vous risquez d'être comme ceux qui me disaient en 1979 ou 80, « Oh, Jean-Charles, c'est bien joli tes trucs, mais en gros, ce n'est pas des sujets. » Le train est en train de passer par là. Il faut voir où vont passer les trains, y compris dans des domaines de sciences sociales. Et en fonction de quelle recomposition. Donc c'est un caveat, parce qu'il me semble, si vous voulez, que c'était bien de le prendre comme bouc émissaire, mais il faut voir que le champ de bataille est un petit peu plus complexe que ça. Juste un mot. J'ai bien conscience de ce qui se passe en biologie. Simplement, je dis, en SHS, il n'y a pas l'équivalent du Big Pharma, et ce n'est pas possible. En revanche, où je tique un tout petit peu à votre analyse, c'est que je me demande si vous ne prêtez pas à tous ces gens-là un machiavélisme qu'ils sont incapables d'avoir. Le peu où je me suis frotté avec les politiques, j'ai été beaucoup moins, je dirais, surpris par leur pouvoir de nuisance intellectuelle que par la méconnaissance fondamentale des univers qu'ils avaient à gérer. Je ne vous dirai pas ce qu'un directeur de cabinet de ministre de la Recherche et de l'Enseignement a pu me dire sur les sciences humaines et sociales. Machiavel, pas machiavélique, c'est une collusion objective. Non. Je suis désolé. Si Madame Pécresse, c'est une famille, c'est la famille, un grand industriel. C'est son milieu, c'est son... Alain, c'est pas la peine de rentrer dans le milieu. Oui, peu importe. Ok. Il suffit de dire, à l'heure actuelle, ce qu'effectivement, moi, je suis contre Ça, oui. De véritables enjeux. Comme CEA, c'est pareil. Je pense que la réalité... Attends, Jean-Charles, je voudrais dire un mot là-dessus, parce que les choses ne sont pas une surprise, parce que lorsque l'INSERM a été évalué par l'ARS, il y a déjà 2 ans peut-être, ou 1 an et demi, le président du comité d'évaluation, c'était le président du NIH, M. Zerouni, et qu'il a fait cette recommandation. Donc les choses, elles arrivent de loin et elles se forment petit à petit. Et c'est pas du machiavélisme, c'est effectivement une très grande perméabilité entre les intérêts de l'économie des grandes entreprises et des gouvernements tels qu'on l'a actuellement. Et au fond, c'est une option politique. Non, voilà. Mais je pense que je pense quand même qu'une chose là-dessus, c'est que les politiques là-dessus sont plutôt, c'est pas eux les manipulateurs. En gros, il faut voir sur des rocs. Moi, ils sont au très long cours. Une anecdote qui est très simple, que je connais, parce que j'ai été témoin sur l'ANR, mais pas la tienne. Vous êtes à Areva. Vous êtes dans un groupe sur la prospective énergétique. Et puis le gars, il fait des transparences sur le futur de la recherche en France. Et puis, il s'est trompé, le type. Il avait un transparent interne pour Areva. Et il a pas eu le temps de le corriger. Et il y avait une croix. Vous savez ce qu'il y avait derrière la croix ? ANR. Vous savez pourquoi ? Parce que sur l'affaire des technologies, sur les transports, les grands projets hydrogène s'étaient fait retoquer à l'ANR, entre autres parce que les industriels automobiles n'en voulaient pas. Et ça emmerdait totalement le CEA et Areva. Et donc, il y avait cette croix. Je veux dire, attendez, derrière ça, ce n'est pas la science pure, il y a de vrais intérêts constitués derrière. Et donc, l'enclume a raison au sens où c'est pas, en gros, c'est pas Sarko qui est capable de voir ça, tiens, d'accord ? Bon, par contre, il y a des gens qui parfaitement savent vendre ça. Et c'est à nous, puisqu'on est chercheurs, dans le sens social, de savoir. C'est CEA. Le décoder. Il y a des chercheurs qui participent à cette affaire, c'est tout.